La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est né le jour des morts et il y voyait un grand présage. Le 2 novembre 1808, ayant à peine vu la lumière pour la première fois, Barbey d'Aurevilly n'aurait pas résisté à l'hémorragie qui le vidait de son sang si une amie de sa mère ne s'était rendu compte que son cordon ombilical n'était pas correctement noué. Cette femme qui le sauvait ce jour-là, il allait en être secrètement amoureux pendant toute son adolescence. Mais cette histoire inaugurale ressemble beaucoup au genre de nouvelles qu'invente Jules Barbey d'Aurevilly, au point que l'on peut se demander s'il ne l'a pas inventée elle aussi, car toute sa vie était littérature, comme nous l'a expliqué hier Patrick Avran, au cours d'une émission à retrouver en téléchargement. Et puis demain, avec Philippe Berthier, nous reviendrons sur le recueil de nouvelles des Diaboliques. Il nous parlera également de la correspondance de l'écrivain avec son ami Trébussien. Enfin, jeudi, nous parlerons histoire et littérature avec Judith Lyon-Camp qui publie l'essai La griffe du temps chez Gallimard, dans lequel elle interroge la manière dont l'historien peut saisir le 19e siècle de Barbey à l'aide d'indices figurant dans sa nouvelle La vengeance d'une femme. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour analyser la littérature de Jules Barbey d'Aurevilly, nous sommes avec vous, Pierre Glaude, bonjour. Bonjour Mathieu. Les auditeurs de la compagnie vous connaissent bien puisque vous venez souvent le jeudi ici en tant que chroniqueur, mais on peut rappeler quand même que vous êtes professeur de littérature à la Sorbonne, spécialiste du 19e siècle français. Vous écrivez sur Balzac, Flaubert, Huysmans, Léon Blois aussi, sur qui vous avez publié récemment l'essai intitulé « Léon Blois, la littérature et la Bible ». C'est disponible aux éditions des Belles Lettres. Et puis vous écrivez aussi beaucoup sur Jules Barbey d'Aurevilly. Vous avez notamment publié en 2009 l'essai intitulé « Esthétique de Barbey d'Aurevilly », car à force de l'analyser par différents prismes, on oublie peut-être de le lire pour son esthétique propre, Pierre Glaude, et vous avez voulu remédier à cela. Oui, Barbey est un de ces écrivains haut en couleur qu'on a d'abord beaucoup remarqué pour un certain nombre de traits biographiques. Le dandy qui ne dédaignait pas de pratiquer des teintures pour rester élégant jusqu'à un âge tardif, qui s'enorgueillissait d'avoir la taille fine, qui aimait bien les tenues un peu extravagantes. Bon, et puis le connétable des lettres, le défenseur du trône et de l'autel, et aussi celui qui est passé longtemps pour un écrivain régionaliste, mais il a été à un moment donné très salutaire de le débarrasser de cette image, de cette aura d'écrivain, pour en revenir à son œuvre et la lire de près. Il y a aussi une lecture par Freud, par l'inconscient, par les théories de la psychanalyse qui ont peut-être fait un petit peu écran justement à cette esthétique de Barbey d'Aurevilly que vous entendez analyser plus finement. Oui, il y a eu plusieurs étapes dans la réception de Barbey d'Aurevilly. D'abord, ce sont les premiers éléments dont j'ai parlé il y a un instant qui ont prévalu. Puis, dans les années 60-70, avec l'émergence de la nouvelle critique, on a surtout remarqué la très grande modernité de l'œuvre de Barbey, et on l'a confronté à des théories puissantes comme par exemple la psychanalyse littéraire, ou encore on a décelé dans cette œuvre une sorte de virtuosité qui correspondait bien à la curiosité de l'époque pour le formalisme. Cette rénovation de la lecture de Barbey d'Aurevilly, qui était extrêmement salutaire, est faite maintenant, et on en revient peut-être à une appréciation qui reprend davantage en compte le projet même esthétique de Barbet. Donc vous reprenez dans votre essai quelques-uns des thèmes qui vous semblent importants, le rapport au réalisme, à la fantaisie, au grotesque, au sublime. On va en parler justement, Pierre Glaude, dans cette émission, mais avant d'entrer dans le cœur de votre propos et puis aussi pour faire entendre un petit peu la prose de Barbet et de Révili, je vous propose d'écouter un extrait de son grand roman « Une vieille maîtresse », lu ici par Christine Murillo. Marigny n'avait d'ennemis que les gens vulgaires. Même physiquement, il les choquait. Oh mon Dieu, oui, il les choquait, ces délicats. Il fallait les entendre. On le critiquait dans sa mise, dans sa physionomie, dans sa personne extérieure. La pire critique pour les gens du monde. Monsieur de Marigny avait l'éclatant malheur et le danger d'une de ses physionomies réparties non seulement dans les traits de la face, mais dans le corps, les attitudes, l'être tout entier. Le voile diaphane et brun, délicatement lamé d'or de la moustache orientale qui lui retombait sur la bouche, cachait mal le dédain de ses lèvres. Ses cheveux, qu'il portait longs et qu'il soignait avec un culte indigne d'un homme d'esprit, répétait gravement les caillettes, donnaient une expression trop théâtrale à cette figure où les clartés de l'intelligence se jouaient dans l'ombre creusée des méplats. Enfin, ses yeux, la seule chose qui l'eût vraiment belle, ses yeux qui avaient soif de la pensée des autres, comme les yeux du tigre ont soif de sang, étaient par trop insolemment immobiles. Tout cela n'était pas « gentleman-like », sifflaient les linottes du dandysme, du haut de la cravate où perche leur insignifiance. Mais les femmes savaient une réponse qu'elles ne faisaient pas. Alors ce Marigny, Pierre Glaude, c'est l'un des personnages principaux du roman Une vieille maîtresse qui raconte l'histoire d'un mariage rendu malheureux parce que le jeune marié ne peut pas quitter cette autre femme qu'il fréquente depuis des années. En quoi cet extrait vous semble-t-il représentatif de la littérature de Jules Barbet de Révili ? On y a un personnage qui est tout à fait caractéristique de ce qu'apprécie Barbet, c'est-à-dire un personnage non conventionnel qui se détourne des codes usuels, qui ne craint pas le scandale, qui se distingue. La distinction aristocratique, en l'occurrence, dans le cas de Rino de Marigny, est ce qui séduit Barbet. Et de surcroît, ce personnage est ouvert et disposé à toutes les passions. Et c'est un trait particulièrement important pour Barbet, qui lui-même a été un grand passionné. Et qui a conçu d'abord le roman, au début de sa carrière, comme une exploration des passions énergiques. Mmh. Et des passions qui ne craignent pas de se développer aux frontières des conventions et de ce qu'il est permis de faire. C'est un personnage byronien, oui, pour le coup. Oui, et Barbet y a mis sans doute beaucoup de lui-même, parce que, comme il le fait d'ailleurs souvent avec ses personnages, il prend modèle sur des personnages sombres, mystérieux, byroniens, passionnés. Mais ce qui est intéressant dans Une vieille maîtresse, en l'occurrence, c'est que c'est un roman qui marque un tournant dans l'œuvre. Parce que le Barbet évolue beaucoup à partir de 1846, période où il se convertit, comme on a dit. En réalité, il revient intellectuellement, puis de manière plus profonde, à des convictions qui étaient celles qui le placent dans la tradition de sa famille catholique, monarchiste, et qui marque une rupture dans son œuvre. Alors cette rupture, elle se caractérise peut-être, pour reprendre l'idée du byronisme, par justement un passage de la jeunesse à l'âge adulte, qui se traduit par un byronisme devenant plutôt un maistrisme. Je ne sais pas si on peut employer ce néologisme, mais en tout cas, c'est le moment, vraisemblablement, où Barbey d'Aurevilly se place dans le sillage de Joseph de Maistre. Alors, vous consacrez un chapitre au rapport de Barbey avec Joseph de Maistre. Je crois qu'il faut s'arrêter un petit peu, justement, là-dessus, et puis réexpliquer un petit peu, d'abord, qui était Joseph de Maistre, même si, sans doute, on l'a un petit peu en tête, et dire en quoi c'est, selon vous et selon beaucoup de commentateurs, la référence importante pour comprendre la littérature de Barbey. Barbey d'Aurevilly admire beaucoup Joseph de Maistre parce qu'il trouve chez lui ce qui lui manque. Barbey a été aspiré pendant toute sa jeunesse par des passions et par une révolte dont il a été question hier. Ce qu'on ne comprend pas suffisamment, c'est que Barbey a été en rupture de ban par rapport à sa famille, qu'il a fui sa famille, qu'il est venu à Paris, d'ailleurs traînant avec lui son mal de vivre, et qu'il s'est livré à toutes sortes de débauches, qu'il était assez éloigné des idées de sa famille. C'est quelqu'un de très libre quand même, on l'a peut-être pas très suffisamment libre, souligné. Oui, très libre, mais qui en même temps, dans cette période de grand désespoir, où rien ne réussit d'une certaine manière de ce qu'il entreprend, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'il voulait entreprendre, il se trouve conduit au bord du désespoir et d'une forme de nihilisme extrêmement sombre, parfois laisse entrevoir la possibilité, écartée finalement, du suicide. Ce qu'on ne remarque pas assez. Et à la suite de cette confrontation à une sorte d'impasse, il trouve d'une certaine manière dans un retour à des traditions familiales, ce qui lui permet aussi de renouer petit à petit avec la Normandie, il retrouve une inspiration nouvelle qui marque une ligne de partage dans son œuvre. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'Une vieille maîtresse a été commencée avant la conversion, c'est la première partie, et s'est poursuivi après, et que la tonalité change complètement. Mais alors, Joseph de Maistre, c'est quand même celui qu'on considère comme un auteur maudit. C'est le monstre le plus réactionnaire que la Terre ait jamais porté pour certaines personnes, pour certains lecteurs. Et pourtant, il s'en réclame. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu exactement ce qu'il récupère finalement de Joseph de Maistre ? Mais Maistre lui fournit une sorte d'armature intellectuelle. Il va le lire avec passion. Joseph de Maistre est un homme du paradoxe. Ça n'est pas un esprit à système. C'est un polémiste contre-révolutionnaire qui brille par son style, une sorte d'ironie hautaine aussi, qu'on lit avec une certaine jubilation, même si on ne partage pas nécessairement ses thèses. Mais Barbey se laisse en même temps séduire par ses thèses, et la séduction va opérer d'autant plus que la révolution de 1848 va, un bref moment de complaisance à l'égard de la Révolution, va le conduire à adopter des positions très fermement favorables à l'autorité. Alors, pour Maistre, comme pour Barbey d'Aurevilly, la Révolution, c'est Satan. Oui. C'est Satan, mais il y a aussi d'autres Satans. C'est la philosophie des Lumières et c'est la Réforme. Donc, ces trois aspects qui permettent de bien saisir la pensée de Barbey d'Aurevilly. Oui. Joseph de Maistre est un penseur anti-moderne et Barbey d'Aurevilly va s'inscrire dans cette filiation. C'est-à-dire que la Révolution française... alors, il y a deux points. Elle s'explique aux yeux de Maistre comme aux yeux de Barbey par une sorte de faillite des élites aristocratiques, religieuses et du régime lui-même. Trop complaisant à l'égard d'un ensemble de mouvements qui l'ont progressivement détruit. Le premier de ces mouvements, c'est la Réforme, c'est le protestantisme qui est à la révolution politique de 1789 sa révolution religieuse. La révolution religieuse permet, d'une certaine manière, deux siècles plus tard, la révolution politique. Donc, pour Maistre, c'est le plus grand ennemi de l'Europe qu'il importe d'étouffer par tous les moyens qui ne sont pas des crimes, l'ulcère funeste qu'il s'attache à toutes les souverainetés et qui les ronge sans relâche. Voilà, ça c'est le protestantisme selon Maistre. Alors il y a également le jansénisme, parce qu'il est une sorte de rébellion contre l'autorité royale et également contre le pape. Il y a aussi le philosophisme, ce que Maistre appelle le philosophisme, c'est-à-dire la philosophie philosophie des Lumières, le rationalisme, l'athéisme, le sensualisme, tout un ensemble de courants philosophiques qui ont ruiné les fondements de l'Ancien Régime. Donc ça, c'est le côté politique qui le rapproche de Joseph de Maistre, mais d'un côté moral et philosophique, et qui passe sans doute par le rapport à la religion, il est aussi très lié à Joseph de Maistre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le papisme, finalement, la manière de vivre la religion qu'avait Barbey d'Aurevilly, Pierre Glaude? Alors, il y a un lien très étroit entre la perspective politique et la perspective religieuse chez Maistre et pour Barbey aussi. La religion est le fondement, l'unité religieuse est le fondement de la monarchie pour lui. Mais de surcroît, l'histoire, dans ses développements, est l'expression de la volonté de Dieu qui s'est longuement attaché à la prédominance de régimes monarchiques dans l'histoire européenne et qui, et c'est là le cœur de la doctrine de Maistre, explique la révolution par une thèse sataniste. La révolution, c'est l'expression du mal, mais d'un mal qui est un instrument entre les mains de Dieu pour régénérer la société à venir. Et sur cette conception du mal qui est développée par Maistre, Barbey va échafauder un certain nombre de scénarios romanesques en utilisant en particulier un aspect de la philosophie maistrienne qui est la réversibilité, l'idée de réversibilité. C'est-à-dire que dans ce jeu très étrange et très mystérieux de la Providence à travers l'histoire, il peut y avoir une dialectique très curieuse du bien et du mal, une solidarité très étrange entre l'un et l'autre, qui fait en particulier que les innocents peuvent payer à la place des coupables. Et œuvrer à une sorte de rachat de l'humanité. Alors là, ça fait penser évidemment au roman Un prêtre marié, oui, avec le personnage de la jeune fille qui s'appelle Calixte et qui se désigne à souffrir pour acquitter à la place de son père finalement la rançon de sa faute. Oui, parce que la grande question qui est au fond au cœur des romans de Barbey après sa conversion, c'est la question du mal. Du mal attaché aux passions humaines, à ce dont l'homme est capable. Dans Rino, qui est d'abord amoureux, pour revenir à une vieille maîtresse, hein, Rino qui est amoureux d'Ermengarde de Polastron, son épouse, ne peut pas s'empêcher, il est irrésistiblement attiré par Vellini. Et c'est cette aimantation étrange qui le déborde et qui finit par avoir raison de lui, qui fascine Barbey. Dans un prêtre marié, ce qui intéresse Barbey, c'est la comment une fille qui est une Calixte, hein, qui est une sainte et qui est marquée dans son corps par des stigmates, peut-être sauver son père, Sombreval, qui est un prêtre apostat, qui a laissé la religion et son habit de prêtre pour la science, qui se livre à des expériences et en tant qu'incarnation de la figure du savant moderne, lance un défi contre Dieu. Donc il est profondément contre la science. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire cela, Pierre Glaude? Est-ce que Barbey d'Aurevilly est contre la science? Oui, il est contre les présupposés de la science de son temps, qui sont rationalistes et qui conduisent, selon lui, à l'athéisme. Et de surcroît, ce qu'il réprouve, c'est l'exploitation idéologique de la science dans la société de son temps par les bourgeois, pourrait-on dire. C'est un type humain qu'il a en tête, là, le bourgeois satisfait, qui pense que la science, le progrès vont résoudre tous les maux de l'humanité. Alors, il y a un autre thème dans votre essai, Pierre Glaude, c'est celui du rapport de Barbey au courant réaliste, qui est typique évidemment de la seconde partie du 19e siècle. On comprend bien son point de vue à l'écoute notamment de cette lecture qu'on va entendre du volume de critiques littéraires des œuvres et des hommes, dont voici donc un extrait interprété par René Clermont. Et c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. À partir de ce livre de l'Assommoir, Monsieur Émile Zola, et pour moi ce n'est pas un éloge, doit être tenu pour le réaliste le plus accentué, le plus résolu, le plus systématiquement exaspéré d'une littérature qui n'a de cœur pour rien et de mal au cœur de rien. Ni messieurs de Goncourt qui ont commencé la triste chaîne du réalisme contemporain, ni monsieur Flaubert et tant d'autres par lesquels elle a passé pour aboutir à monsieur Émile Zola ne peuvent plus être mis en comparaison avec l'auteur de l'Assommoir. Cet Hercule souillé qui remue le fumier d'Augias et qui y ajoute. Si vous ne me croyez pas, lisez l'Assommoir. Plongez-vous dans ce torrent d'ordures. Et si vous pouvez y rester sans étouffer ou sans vomir, vous verrez que l'ordure y veut être de l'art et du plus grand. La compagnie des auteurs sur France Culture, alors là c'est assez clair, Barbé d'Aurevilly n'y va pas par quatre chemins, Pierre Glaude il vomit le courant réaliste et Zola et son Assommoir. Oui, Barbet n'aime pas le réalisme, il le comprend mal. En tout cas, il ne partage pas du tout ses principes esthétiques, le choix de l'humanité moyenne, des sujets bas, le style, là encore, qui sent le peuple. Mais pourtant, il n'est pas contre le peuple dans ses récits. Il y a des... ouvriers, il y a des bourgeois dans certaines de ses nouvelles, dans certains de ses romans. Oui, mais il les traite d'une manière toute différente. En fait, son modèle pour traiter ses personnages, c'est plutôt Walter Scott. Et la façon dont Walter Scott intercale dans ses romans des scènes dramatiques avec des personnages héroïques et des scènes de détente comique, des scènes d'auberge qui servent de modèle à Barbet et qui procèdent à certains égards d'une certaine stylisation de la réalité. Mais en matière de peinture de la réalité, parce que Barbet n'exclut pas du tout le réel de son œuvre, son grand modèle c'est Balzac. On a beaucoup parlé de Byron, mais sa grande admiration en matière romanesque, le modèle indépassable, c'est Balzac. Et il veut... alors, il a une conception de Balzac qui est plutôt le Balzac visionnaire, et il veut mettre ses pas dans ceux de Balzac. Mais quelle différence fondamentale entre Balzac et les réalistes qui suivront ? Est-ce que ce n'est pas, par exemple... l'idée que Balzac ne va pas proscrire le comique, par exemple, dans ses romans, qu'il a peut-être un esprit de sérieux un petit peu moins développé que d'autres auteurs réalistes, qu'il est moins, là encore, scientiste. Qu'est-ce qui vraiment fait la vraie différence ? Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, Balzac ne s'interdit pas ce que s'interdira Flaubert, c'est de guider son lecteur vers un horizon. Donc il est davantage démiurge, en fait. Oui, et puis il a une armature intellectuelle qui séduit davantage Barbet, qu'il n'hésite pas à le guider vers une conclusion, hein, alors que, selon lui, Flaubert se refuse à conclure quoi que ce soit. C'est un descripteur, comme il dit. Évidemment, l'opposition entre Balzac et Zola, elle se fait sur le choix des sujets et leur orientation. Le scientisme qui est à l'arrière-plan, le matérialisme, l'orientation si progressiste de l'œuvre, tout ça le rebute chez Zola. Alors qu'il a une lecture plutôt traditionnaliste de Balzac. Est-ce qu'il y a une volonté pour Barbey de Révilly, faire en sorte que le lecteur, à l'issue la découverte d'un de ses textes, soit moralement élevé, soit changé par cette lecture. Alors, ce qui n'est pas le cas, évidemment, des réalistes. Oui, c'est un point très important, parce que si Barbey s'inspire de Balzac, c'est parce qu'il pense que pour agir sur son lecteur, il faut enraciner la fiction dans une réalité plausible. Sans quoi le lecteur n'adhérera pas. Donc il y a une forme de réalisme, en tout cas le réel l'intéresse et le point de départ. Le point de départ, c'est bien une peinture de la réalité, parce que pour agir sur le lecteur, il faut le mettre en situation et il ne faut pas tricher. Barbey a horreur du mensonge, c'est la vérité. Mais ce qui l'intéresse, c'est une vérité qui va avoir des prolongements moraux et métaphysique. Balzac, lui, a l'ambition de peindre l'ensemble d'une société. Barbey ne peint pas l'ensemble d'une société. Il s'attache à des milieux qui sont quand même restreints, surtout l'aristocratie, que ce soit en province, en Normandie ou dans les salons parisiens. Et surtout, ce qui l'intéresse dans la réalité, c'est d'y faire surgir quelque chose qui va ébranler profondément, son lecteur. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'il déteste chez le lecteur moderne. Et sur ce plan, il est assez proche de Flaubert, que pourtant il n'aime pas. Flaubert déteste l'autolâtrie bourgeoise, c'est-à-dire l'adoration de soi qui est le propre de Homais. Et Barbey a horreur de la bonne conscience bourgeoise, de ceux qui pensent qu'ils ont tout compris, qu'ils savent tout, et que les savoirs dont ils disposent les garantissent de toute surprise. Ça se retrouve donc, vous le disiez aussi, sur le choix des sujets, quand même davantage des sujets dans les milieux aristocratiques, par exemple. Et alors, on lui disait, mais enfin, un bon écrivain doit pouvoir parler d'un jeu de cartes et en faire de la grande littérature. Ce n'est pas le sujet qui compte. Et lui disait, mais oui, mais si vous parlez de la forêt, vous avez déjà un sujet qui est élevé au départ. Comment envisageait-il justement cette question du choix du sujet, Pierre Glaude ? Alors, il n'aime pas les sujets bas. Il ne traite pas beaucoup les classes sociales les plus humbles, les plus modestes. Il concentre ses récits dans des milieux où peuvent se développer des passions d'une très grande intensité. Et c'est cela qui l'intéresse au fond. C'est la passion. C'est la passion, mais c'est la passion parce qu'elle va faire surgir, d'une manière ou d'une autre, de grands désastres et poser la question de la profondeur du mal. Du coup, évidemment, tout cela se retrouve dans le choix du narrateur. Le narrateur est forcément un petit peu en surplomb, puisque c'est un narrateur qui est un petit peu Dieu pour ses personnages. Alors, Barbey, justement, utilise beaucoup dans ses récits des formes de narration bien particulières qui visent à créer du mystère. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, ce qui lui importe, c'est de produire une sorte d'ébranlement dans la conscience de son lecteur. Et pour cela, il faut faire surgir du mystère. Et pour faire surgir du mystère, il faut des narrations qui soient restreintes. C'est-à-dire des narrateurs qui souvent sont représentés dans la fiction, qui sont le témoin de quelque chose qu'ils ont vu. Souvent c'est un récit enchâssé. On rencontre quelqu'un qui nous dit que... Voilà, exactement. Et ce témoin nous rapporte les choses à travers ses propres yeux, ce qui introduit toujours dans la fiction une sorte de doute. Ne trahit-il pas la réalité? N'y a-t-il pas des formes de distorsion? Et surtout, qui introduit des lacunes. Parce que les témoins n'ont pas nécessairement tout vu, tout compris, et ils ont forcément un regard prismatique sur les choses. Et de cette manière, et souvent par une multiplication des narrateurs, qui relève d'une certaine virtuosité, comme dans le plus bel amour de Don Juan, par exemple, Barbey produit un effet de mystère. Pierre Glaude, vous restez avec nous en seconde partie de cette émission. Nous allons continuer de donner les grands axes de compréhension de l'œuvre de Jules Barbey de Révilly. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique de Jérôme Dupuis. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Jérôme Dupuis de la rédaction des pages livres du magazine L'Express. Bonjour à vous Jérôme. Bonjour Mathieu. Vous venez nous parler des petits remous qui agitent en ce moment l'Académie française. Que se passe-t-il ? En effet, alors c'est une institution je crois que Barbé d'Aurevilly ne portait pas particulièrement dans son cœur. Et en effet, depuis plusieurs mois, les immortels ne parviennent pas à trouver un successeur au fauteuil de Michel Déon. Les trois tentatives récentes pour lui trouver un successeur se sont traduites par des élections blanches, malgré des candidats de renom, comme Luc Ferry, Pascal Bruckner, Charles Danzig, Bruno Racine. Frédéric Mitterrand aussi. Frédéric Mitterrand, Benoît Dutertre. Et du coup, le système est bloqué, car tant que ce fauteuil de Michel Déon ne sera pas pourvu, on ne pourra pas procéder aux élections de ceux de trois autres fauteuils d'académiciens disparus récemment, et non des moindres, Simone Veil, Max Gallo et Jean d'Ormesson. Même le prestigieux New York Times s'est ému récemment de cette impasse académique. Mais alors à quoi est dû ce blocage ? Alors pour certains, il traduirait une forme d'agacement à l'endroit d'Hélène Carrère-Dancausse. Cela fait en effet maintenant deux décennies que cette spécialiste de la Russie occupe les fonctions très prestigieuses de secrétaire perpétuelle de l'Académie française. On n'avait plus vu une telle longévité depuis le milieu du 19e siècle et un certain Abel François Villemain. En effet, on a beau être immortel, 20 ans pour certains, ça peut finir par paraître long. Alors, dans l'atmosphère un peu feutrée du Quai Conti, certains habits verts se sont confiés à l'Express et se sont demandé à voix basse si peut-être, à 90 ans, Hélène Carrère-Dancausse ne devrait pas passer la main comme l'ont fait ses trois derniers prédécesseurs. Mais comme on est entre gens de lettres, on dit ça avec de très jolies formules. L'un m'a dit « la tsarine devrait abdiquer » et un autre m'a dit « il est peut-être temps que la princesse géorgienne rende sa couronne ». Alors qu'est-ce que les académiciens reprochent exactement à leur secrétaire perpétuel ? Ils estiment, certains en tous les cas, qu'elle n'a plus l'autorité permettant de dégager des majorités lors des élections. L'un m'a dit « Aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'Hélène organise des combats de gladiateurs, elle jette deux bons candidats dans l'arène et qu'ils se débrouillent ». Et puis, l'élection d'Alain Finkielkraut en 2014 a laissé des traces. Hélène Carrère-Dancausse et Jean d'Ormesson y étaient très favorables. Était très favorable à l'arrivée de Finky à l'Académie, mais une certaine aile gauche, on va dire, de l'Académie, représentée par Rinaldi ou Weyerganz, n'était pas très fan de cette candidature un peu réactionnaire. Il y a même eu un échange assez acerbe sous le portrait de Richelieu entre Jean d'Ormesson et Dominique Fernandez. Et chose très très inhabituelle, le lendemain de son élection, Alain Finkielkraut est allé à la radio et a dénoncé une conjuration menée par quelques-uns contre lui au sein de l'Académie. On n'avait quasiment jamais vu ça du côté des immortels. Est-ce que certains souhaiteraient jusqu'au départ de Madame Carrère-Dancausse ? Alors, certains envisagent une solution un peu intermédiaire et prôneraient une réforme de l'Académie qui instaurerait une forme de secrétariat perpétuel tournant tous les 6 ans, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres académies de l'Institut, par exemple l'Académie des Beaux-Arts ou l'Académie des Sciences Politiques. Et Madame Carrère-Dancausse, comment réagit-elle à tout cela ? Nous l'avons interrogée à l'Express et fidèle à son tempérament, elle est restée assez ferme sur ses positions. Elle n'envisage pas de démissionner dans l'immédiat, c'est très clair. Elle estime qu'elle a encore deux grands chantiers à mener à bien. Un contrôle annoncé de la Cour des comptes. Et puis, surtout, la 9e édition du dictionnaire, qui a quand même été entamée en 1935. Nos chers académiciens en sont actuellement à la lettre V. Mais il semblerait que certains, sous la coupole, soient assez pressés d'en arriver à zygomatique. Merci beaucoup, Jérôme Dupuis. Donc, les auditeurs peuvent lire tout cela dans l'Express et de manière générale, retrouver votre signature dans les pages livres. À très bientôt. Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Jules Barbé d'Aurevilly, l'auteur notamment des Diaboliques, ce recueil de nouvelles dont voici un extrait, en l'occurrence avec la nouvelle intitulée « Le plus bel amour de Don Juan » interprétée par Fernand Ledoux. Était est-elle brune? Ah, vous n'y voyez pas assez clair. Oui, elle était brune. Brune de cheveux jusqu'au noir le plus jais, le plus miroir d'ébène que j'ai jamais vu reluire sur la voluptueuse convexité lustrée d'une tête de femme. Mais elle était blonde de teint. Et c'est au teint et non aux cheveux qu'il faut juger si on est brune ou blonde. C'était une blonde aux cheveux noirs. Toutes les têtes blondes de cette table, qui ne l'étaient, elles, que de cheveux, firent un mouvement imperceptible. Il était évident que pour elle, l'intérêt de l'histoire diminuait déjà. Elle avait, toute grande dame qu'elle fût, la santé d'une paysanne qui boit du soleil par la peau. Et elle avait aussi l'ardeur de ce soleil bu, autant dans l'âme que dans les veines. Oui, présente et toujours prête. Mais voici où l'étrange commençait. Cet être puissant et ingénu, cette nature purpurine et pure comme le sang qui arrosait ses belles joues et rosait ses bras, était, le croiriez-vous, maladroite aux caresses. Ici, quelques yeux se baissèrent, mais se relevèrent malicieux. Maladroite aux caresses, comme elle était imprudente dans la vie. Il fallait que l'homme qu'elle aimait lui enseignât incessamment deux choses qu'elle n'a jamais apprises, du reste. À ne pas se perdre vis-à-vis d'un monde toujours armé et toujours implacable, et à pratiquer dans l'intimité le grand art de l'amour. Frappe Pierre Glaude dans l'extrait qu'on vient d'entendre. On a là un exemple de ces ricochets de conversation que Barbet a voulu mettre en scène dans Les Diaboliques. Un conteur dans un salon qui s'adresse à un public, ici un public féminin, un conteur qui est un don Juan vieillissant, il s'appelle Ravila de Ravillet, ce qui est un nom qui est un calembour. Hein. Barbet lui a d'ailleurs prêté ses traits, et qui joue avec toutes ces femmes qui voudraient être le plus bel amour de don Juan. Et évidemment, il fait durer le plaisir, puisqu'il caractérise par une description qui n'en finit pas l'élu, en donnant progressivement des indices qui éliminent petit à petit un certain nombre de ces femmes. Et en réalité, elles découvriront à la fin qu'aucune d'elles n'est l'élu. Donc il y a un plaisir de choquer quand même de la part du narrateur, en l'occurrence ici, et puis de la part de Barbet d'Aurevilly de manière générale. Vous avez dit tout à l'heure, Pierre Glaude, que c'était un moraliste, mais de quelle morale? Parce que il paraît parfois être un immoraliste, justement. Alors, c'est ce qu'on lui a reproché. Et d'ailleurs, il y a eu de nombre de polémiques avec les milieux catholiques, avec Veuillot, Louis Veuillot en particulier, autour d'une vieille maîtresse, sur la question de la moralité de l'œuvre et de la moralité du roman. Pour Veuillot, le roman n'est pas un genre moral. Et les romans de Barbet le sont encore moins. Parce qu'ils font une place beaucoup trop complaisante aux passions. Hein, et on aura pu dire plus tard, on dira plus tard que Barbet se fourvoie dans le mystico-sensuel. Mais lui explique que c'est précisément pour détourner les lecteurs d'une sensualité qui serait de l'ordre du péché qu'il la présente de la manière dont il la présente, c'est-à-dire de façon relativement crue. Oui, tout à fait. Mais il le fait d'une manière que les catholiques n'acceptent pas et que aussi ses adversaires ne comprennent mal, puisque il refuse le moralisme prédicateur. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre la morale de l'histoire sans jamais se perdre en bavardage. C'est là où il est écrivain. Exactement. Il refuse les facilités du roman à thèse. L'exposé trop précis de l'idée morale sous-jacente. Les faits doivent parler d'eux-mêmes. Ça, alors, c'est est-ce un que premier point. Ces lecteurs, pardonnez-moi, sont catholiques? Est-ce qu'il a beaucoup de lecteurs chez les catholiques? Alors ça, c'est une autre question, mais elle est très intéressante. Il a des lecteurs catholiques, mais en réalité, il s'adresse à un public très particulier qui illustre très bien un dîner d'athées. Et le personnage de Ménilgrand, Ménilgrand qui est un homme à l'esprit élevé, d'une grande noblesse de caractère, et qui en même temps est éloigné de Dieu, mais qui a le sens du sacré. C'est une âme du purgatoire, pourrait-on dire. Mmh. Et Barbet s'adresse peut-être non pas à ceux qui sont plongés au plus profond du péché, ni aux bonnes consciences tranquilles, mais à ce public intermédiaire qui a sans doute qui est sans doute sorti maintes fois du droit chemin, un peu comme lui, mais en qui il voudrait ranimer une sorte d'étincelle spirituelle. Alors c'est un écrivain de l'outrance, peut-être aussi du grotesque, venons-en à cette notion à travers le Don Quichotte de Cervantes, parce que je crois que Barbet avait eu des mots assez durs au départ sur Don Quichotte, considérant que ça n'était pas un roman très amusant, que c'était même assez ennuyeux, qu'il avait parfois un goût d'ail. Qu'est-ce que ça signifie d'abord? Et puis, en quoi est-ce que pour vous, finalement, Pierre Glaude, il y a du Cervantes et du Don Quichotte chez Barbet d'Aurevilly? Il évolue sur cette question et son évolution est très intéressante. Dans sa jeunesse, Don Quichotte est une figure il incarne l'aristocratie dans ce qu'elle a de dépassé. Hein, c'est un homme. Mais c'est un homme du passé, justement, Barbet d'Aurevilly, donc ça doit oui, lui mais plaire. Pas à cette époque, pas à l'époque. Dans sa jeunesse, à l'époque où il est révolté contre sa famille, Don Quichotte est l'incarnation, au fond, d'une forme d'idéal aristocratique dépassé et comique. Et il réévalue progressivement quand il revient. Peu à peu aux traditions familiales, il réévalue la figure de Don Quichotte, donc il voit un personnage sublime, jusque dans son grotesque. C'est-à-dire que, au fond, ce qui est grotesque chez Don Quichotte, c'est qu'il est inadapté à son temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps? Ce temps pour Barbet, on le disait tout à l'heure, c'est un temps matérialiste, athée, qui est tourné vers les réalités les plus matérielles, les plus utiles, pour qui la richesse, le pouvoir sont les idéaux qu'il convient de réaliser. Et Don Quichotte, lui, vit pour d'autres valeurs, des valeurs qui n'ont plus cours. Est-ce qu'il y a identification alors entre Barbet d'Aurevilly et le personnage de Don Quichotte, qui lui-même est finalement un petit peu en marge de la société? Il est beaucoup moqué aussi. Oui, tout à fait. Il y a dans Les Diaboliques et dans À un dîner daté, dont on parlait tout à l'heure, Ménilgrand, dont le portrait par Barbet est un autoportrait. Il a la laideur de Barbet, il a ses passions. Enfin, c'est un portrait idéalisé. Mais Barbet a mis beaucoup de lui dans Ménilgrand. Et Ménilgrand est défini comme une sorte de chevalier, hein, de chevalier errant, de personnage chevaleresque médiéval, et donc de Don Quichotte. Mmh. Le sublime, c'est un mot que vous avez employé tout à l'heure. Oui. Et c'est un mot qui vous semble important aussi pour qualifier le rapport de Barbet d'Aurevilly avec la littérature. Il cherche toujours le sublime, mais alors c'est quoi le sublime pour lui? Alors justement, il a un sens du sublime qui est très particulier. Il y a plusieurs formes du sublime chez Barbet. Vous avez d'abord ce sublime qu'on évoquait à propos de Don Quichotte, qui est paradoxal, qui est l'envers d'un grotesque, qui est réhabilité du coup. Et là, Barbet s'inspire très précisément de Balzac. Hein. Le personnage de la vieille fille, et Barbet aime beaucoup les personnages de vieille fille, chez Balzac est un personnage ridicule. Ridicule à cause de sa foi, de sa naïveté, de sa candeur. Mais Barbet préfère une âme traversée par l'idéal et qui peut paraître naïve et ridicule aux yeux de ses contemporains à quelqu'un dont l'horizon spirituel et moral s'est rétréci. Quitte à lui-même se peindre sous ses traits, vous le disiez à l'instant, Pierre Glaude, il y a de l'autodérision chez Barbet d'Aurevilly, et c'est une autodérision qui finalement fait qu'il assume totalement qui il est, d'une certaine manière. Tout à fait, et il y a un indice très intéressant, il a une querelle avec Zola, il en a plusieurs, parce qu'on a vu tout à l'heure combien il l'accablait, et Zola l'a traité de clown. Hein, il l'a appelé le catholique hystérique. Enfin, il y a toute une série de mots très durs de Zola à l'égard de Barbet. Et Barbet, qui disait que les plus beaux noms sont ceux que nous donnent nos ennemis, renvoie à Zola ce mot de clown en disant oui, qu'il adore les clowns et qu'il est un clown, qu'il en a la légèreté aérienne, qu'il en a la grâce, qu'il en a la virtuosité. Qu'il en a la fantaisie aussi. Et qu'il en a la fantaisie, parce que Barbet déteste la gravité. Ouais. La fantaisie, c'est à la fois une esthétique pour Barbet, mais c'est donc aussi une éthique, Pierre. C'est une esthétique, c'est un style de vie qui rejoint le dandysme d'une certaine manière. C'est le refus aristocratique de se laisser émouvoir, de tomber dans le sentiment, dans le pathos, dans le sentimentalisme devant pleurnichard, devant les travers de l'existence. C'est le désir de rester toujours léger. C'est un égoïsme aussi pour Barbet ou pas ? C'est d'abord un moyen de se défendre contre la difficulté d'être. Et puis c'est surtout une vie par l'imagination. Parce que Barbet est un grand imaginatif. Et il le dit d'ailleurs, écrire pour lui, c'est ouvrir les veines de son imagination. Il y a une sorte de métaphore corporelle. L'imagination, c'est comme le sang qui parcourt le corps de l'écrivain. Mais il y a dans cette imagination quelque chose qui l'aspire vers une forme de destruction, peut-être. Et donc, il a un rapport ambivalent avec elle. Finalement, la fantaisie, pour lui, rend le monde plus vivable. Et peut-être même que le caprice rend le monde plus vivable. Il y a une sorte d'éloge du caprice chez Barbet d'Aurevilly, Pierre Glaude. Oui, la fantaisie, le caprice, c'est une forme de résistance. Une forme de résistance devant un monde où Barbet le sent bien. Il fait partie des vaincus. Ce fut comme un mélange d'adoration idolâtre et de détestation inouïe, de flatterie caressante et d'impertinence hautaine, d'assurance et de doute, de glace et de feu. Une espèce de bain russe intellectuel, et dans lequel je plongeais pour les assouplir les nerfs de cette femme qui ne faiblirent pas une seule fois. Oui, notre amour, cet amour qui avait commencé par la haine et qui avait bu du sang pour s'éterniser, était surtout physique et sauvage. Par une prodigieuse exception à la règle commune, ce qui subsistait autant qu'à l'origine de notre liaison, c'était l'influence embrasée qui nous enveloppait toujours, malgré le détachement de nos âmes. Ni la lutte de deux volontés qui s'exaltaient en se résistant, ni les blessures faites l'un à l'autre, ni l'imagination déprise de tout ce qui l'avait charmé, ni la possession incontestée qui tue plus d'amour que le désespoir, rien n'avait détruit cet inexplicable empire dont le secret n'était pas dans nos cœurs. Nouvel extrait d'Une vieille maîtresse, lu ici par Jean Levray. Est-ce que le qualificatif de sublime s'applique, par exemple, Pierre Glaude, à ce que l'on vient d'entendre, selon vous ? Il y a du sublime dans Une vieille maîtresse, incontestablement. Et il y a plusieurs formes de sublime, d'ailleurs. Ermengarde de Paul Astron est sublime. Ce sont souvent les femmes, d'ailleurs, qui sont sublimes. Oui, ce sont les femmes, très souvent. Elle est sublime parce que c'est une femme idéale, dans sa beauté, sa noblesse. Barbet utilise un vocabulaire marial pour la décrire. C'est une céleste. Mais c'est une céleste qui, et c'est ce qui est très intéressant chez Barbet, recèle une part d'ombre. Parce qu'au fond, si elle est malheureuse, et elle le conclut, c'est parce qu'elle a trop cru à l'amour humain en oubliant peut-être Dieu. Elle a voulu mettre, et souvent c'est un thème qu'on trouve chez Barbet, mettre un homme à la place de Dieu. C'est ce que fait aussi la duchesse d'Arcos dans La vengeance d'une femme. La passion qu'elle éprouve pour Vasconcelos, passion adultère, même virtuellement adultère, est décrite dans les termes que Sainte Thérèse d'Avila utilise pour décrire sa relation à Dieu. Et il y a une forme de démesure, hein, de démesure qui va engendrer le mal, le désir de vengeance qui va conduire la duchesse d'Arcos à se prostituer pour se venger de son mari, pour le souiller dans son nom de Grande Espagne. Et là, on touche à ce sublime que Barbet appelle le sublime infernal ou le sublime à la renverse. C'est un sublime où on ne va jamais nous expliquer, on ne va jamais faire système. Le sublime permet pour Barbet d'Aurevilly de faire un peu des trouées de lumière dans un monde que de toute façon on ne comprend pas, puisque c'est Dieu qui l'organise. À travers, par exemple, la souffrance, on va finalement avoir l'intuition d'un rapport à Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire les choses un petit peu de cette manière-là ? Oui, Barbet, à travers le malheur, la souffrance, la cruauté aussi, le mal, parce que le mal a deux visages, c'est le mal subi ou le mal agi, pourrait-on dire, là, le mal actif ou le mal qu'on subit. Donc la souffrance, la douleur et puis la cruauté. Et à travers ces deux visages du mal, Barbet, qui pense que pour parler à un public qui s'est éloigné de Dieu, il vaut mieux lui parler de situations intéressantes plutôt que de bondieuseries, pense que l'enfer, c'est le ciel en creux. Mmh. Et donc, c'est dans l'expérience du mal, dans sa profondeur abyssale, diabolique, que, peut-être pour le lecteur moderne, il y a l'espace d'un soupçon, d'un doute, d'un vacillement intérieur qui peut, sous certaines conditions, réactiver la vie spirituelle en tirant la conscience moderne de son apathie. Cette conception-là, est-ce qu'elle est davantage inspirée du siècle qui précède le 19e siècle, voire même du siècle encore précédent, où trouve-t-il ses racines littéraires, Barbet d'Aurevilly, dans le passé ? Alors, il trouve ses racines au XVIIe siècle, dans ce que l'on a appelé les histoires tragiques, qui sont souvent écrites par des religieux et qui décrivent le mal dans tous ses états. C'est une sorte d'apologétique de la terreur. Autrement dit, en peignant des aspects terrifiants du mal, on veut ramener, hein, dans le contexte post-tridentin, hein, après le Concile de Trente et dans le contexte de la contre-réforme, on veut ramener des hommes à Dieu en leur faisant sentir la profondeur du mal. Il y a aussi peut-être La Fontaine dans son imaginaire, parce que c'est un moraliste, on l'a dit, il aime bien qu'il y ait une petite morale, même s'il ne souhaite pas l'écrire à l'issue de ses nouvelles. Est-ce que c'est aller trop loin que de parler de La Fontaine ? Pas du tout, c'est une de ses grandes admirations, il connaît des vers très nombreux qu'il se plaît à citer très fréquemment, et il y a chez La Fontaine une qualité qui est la bonhomie. Et Barbet reconnaît aussi cette qualité chez Walter Scott. Mmh. Et il voudrait être, à certains égards, il le sera dans un certain nombre de ses récits, un conteur bonhomme. Et ça signifie quoi, finalement, un conteur bonhomme ? Enfin, dans les textes, comment est-ce que ça se retrouve ? Mais qui est capable de créer un climat où la prédication n'est pas austère, où elle peut s'accompagner d'un plaisir esthétique partagé, d'une sorte de confiance qui se crée entre le lecteur et l'auteur, ou aussi entre le conteur et ses auditeurs. En tout cas, il y a une volonté de ne pas être hermétique dans le style, dans la manière aussi d'organiser le récit, puisqu'il s'agit vraiment de faire passer quelque chose au lecteur. Et même si il peut y avoir des phrases plus alambiquées peut-être que d'autres, on sent quand même qu'il y a une volonté de saisir le lecteur pour qu'il ait du plaisir à la lecture, tout simplement. Tout à fait. Barbet se situe dans la postérité de ce qu'on a appelé le récit exemplaire, c'est-à-dire un récit qui veut agir, faire impression sur le lecteur. Merci beaucoup, Pierre Glaude. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature française à l'université Paris 4 Sorbonne, auteur notamment de L'esthétique de Barbet et d'Aurevilly chez Classique Garnier en 2009. Et puis votre dernier ouvrage apparu aux Belles Lettres en 2017, il s'appelle Léon Bloy, la littérature et la Bible. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier, Anne Brulant et Emmanuel Morse-Duncan. Demain, troisième étape de notre parcours aurévilien, ce sera avec Philippe Berthier qui nous parlera des Diaboliques. Mais tout de suite, sur France Culture, on retrouve les lectures de poésie quotidienne de Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine avec Joachim, cette semaine. Du Bellay, pas Phénix. Du Bellay, Joachim des regrets. Nous reprenons pied dans la poésie, ces machines de souffle et d'images. Ah, les regrets. Ah, les regrets nous aiment. Je me ferai savant en la philosophie, en la mathématique et médecine aussi. Je me ferai légiste et d'un plus haut souci, apprendrai les secrets de la théologie, du luth et du pinceau, j'ébattrai ma vie de l'escrime et du bal. Je discourais ainsi et me vantais en moi d'apprendre tout ceci quand je changeais la France au séjour d'Italie. Joachim s'ennuie à Rome. En pleine guerre. Oh, beaux discours humains, je suis venu si loin pour m'enrichir d'ennui, de vieillesse et de soins, et perdre en voyageant le meilleur de mon âge. Ainsi le marinier, souvent pour tout trésor, rapporte des harengs, en lieu de lingots d'or, ayant fait, comme moi, un malheureux voyage. Tristesse, laissons passer un temps, reprenons et sonnons en sonner. 3, 4. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sestuila qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour combattit mes aïeux que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon noir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin et plus que l'air marin, la douceur angevine. As-tu lu, Joachim du Bellay, le poète, d'heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage? Alors qu'il s'ennuyait à Rome, il écrivit 191 regrets à ses amis. Ça, c'est Pierre Vinclair qui nous écrit en sonnet dans Sans adresse. Le parallèle avec du Bellay est facile à établir, car m'encroutant à Shanghai, je suis si loin des miens, plutôt que d'ajouter à cette déception celle de l'impossible réception de l'œuvre, j'écris mon texte à un ami qui va me lire. Simple artisan, je prends son geste et le refais. Maintes et maintes fois, c'est la 31e, mais ne veux plus dépenser mon à imiter les fétiches statues de commandeurs posant dans l'inimitable énergie prise de verre et la carte d'un territoire abandonné. Ici, son interlocuteur Laurent Albarracin, poète et, comme Pierre Vauclair, critique, éditeur, animateur, participant de la revue Catastrophe de Pierre Vinclair. Albarracin, dans un échange publié en complément de Sans adresse, dit « Certes, le sonnet est vivant, la preuve, nous en écrivons, et on peut utiliser le clavier comme bon nous semble, mais l'instrument n'est pas neutre, je crois. Choisir une forme ancienne pour parler du monde moderne, ça dit bien quelque chose d'un écart entre le poétique et le prosaïque, non ?» Merci Jacques Bonafé, vous continuez de nous lire des sonnets de Joachim du Bellay.